Section 24 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 5, troisième partie, les hérésies des XIIe et XIIIe siècles, par Émile Chénon. Multiplication des hérésies. Le grand mouvement religieux qu'on a retracé plus haut et qui avait abouti à la réforme du clergé séculier et à l'extension des ordres monastiques, n'avait pas produit seulement de bons résultats. Au tableau, il y a une ombre. Sur beaucoup de points, en effet, le mouvement avait dévié. Sous prétexte de réforme, bien des esprits avaient versé dans l'hérésie. Le XIIe et le XIIIe siècle constituent une époque féconde en erreurs, où les sectes hétérodoxes se multiplient à la faveur même du mouvement qu'elles contrarient. Les unes étaient un legs des temps antérieurs, mais la plupart étaient nouvelles et n'étaient pas les moins dangereuses. Nées parfois d'un sentiment généreux, s'autorisant des forces en apparence analogues faites par les véritables réformateurs, elles se présentaient d'abord comme une forme plus pure de christianisme, ou comme un retour à l'esprit de l'Église primitive, jusqu'au jour où, l'exaltation mystique aidant, elles aboutissaient à des doctrines bizarres et presque toujours immorales. Ces doctrines, d'ailleurs, étaient souvent confuses, inconsistantes, et les différentes sectes se ramifiaient de telle sorte qu'il est assez difficile d'établir parmi elles une classification. On ne peut le faire qu'à la condition de laisser de côté, premièrement, les hérétiques isolés comme Béranger de Tours, dont les erreurs sur l'Eucharistie furent censurées par divers conciles de 1050 à 1080, et qui moururent réconciliés avec l'Église en 1088, ou comme ces deux extravagants, le Brabançon Tanchelme, qui épousa solennellement la Sainte Vierge et fut tué par un clerc en 1124, et le Breton Éon de l'Étoile, gentilhomme de Loudéac, qui se disait appelé à présider le jugement dernier et fut condamné au Concile de Reims en 1148. Deuxièmement, les sectes qui n'ont eu qu'une existence éphémère ou une expansion restreinte, comme celle des Passagiens de la Haute-Italie, qui réclamaient au XIIe siècle l'observation de la loi de Moïse et faisaient de Jésus-Christ la première des créatures, comme celle des Lucifériens d'Allemagne, qui au début du XIIIe siècle prétendaient que Lucifer avait été chassé injustement du ciel et poursuivait Saint-Michel de leurs anathèmes, comme celle enfin des Stédingiens de la Frise, qui étaient plutôt des rebelles que des hérétiques, et qu'une courte croisade, conduite par l'archevêque de Brême, fit rentrer dans le devoir en 1234. Cette sélection opérée, et en s'attachant seulement aux sectes principales, on peut ramener les hérétiques de l'époque à trois groupes. Les unes s'inspiraient surtout des principes montanistes, d'autres professaient plutôt des théories panthéistes, les dernières étaient nettement manichéennes. Sectes montanistes, les pétrobrusiens et les vaudois. Les sectes montanistes les plus importantes étaient celles des protubrusiens et des vaudois. Les pétrobrusiens doivent leur origine et leur nom à un prêtre dégradé, Pierre de Bruise, qui se mit à dogmatiser vers 1104 dans le midi de la France. Pierre de Bruise rejetait le baptême des enfants, les prières pour les morts, le célibat, le culte des images, le ministère extérieur de l'Église, le sacrifice de la messe et le dogme de la présence réelle. Il prêcha 20 ans. En 1124, ayant brûlé à Saint-Gilles, près d'Arles, des images et des croix, il excita la colère du peuple, qui finit par le brûler lui-même. Il eut pour successeur un moine de Cluny, Henri de Lausanne, qui alla jusqu'à proscrire toute espèce de culte, et qui gagna par des discours véhéments contre l'immoralité du clergé de son temps beaucoup de partisans en Suisse, en Savoie et dans le diocèse du Mans, dont l'évêque Hildebert essaya vainement de le ramener dans la bonne voie. Condamné au concile de Reims, 1148, Henri de Lausanne mourut en prison, vers 1149. Une partie des pétrobrusiens, qu'on appelait aussi henriciens, se convertirent à la voie de saint Bernard. Les autres persistèrent dans leurs erreurs et firent alliance, en 1184, avec la secte nouvelle des Vaudois. Les Vaudois, Leonistae, Sabatati, Paupérès de Logduno, ont pour fondateur un riche commerçant de Lyon, nommé Pierre Valdo, ou mieux Valdez, c'est-à-dire de Vaud, village près de Lyon. Pierre Valdez, vivement frappé par la mort subite de l'un de ses amis, avait cherché des adoucissements à sa douleur dans la lecture de la Bible et des pères de l'Église. En 1173, l'histoire de saint Alexis fit sur son esprit une si profonde impression qu'il abandonna tous ses biens, partit à sa femme, partit à ses anciens clients, partit aux pauvres, fit traduire par deux ecclésiastiques l'écriture sainte en langue romane et finalement, 1177, se mit à parcourir le pays pour prêcher la pénitence au peuple. Son idée principale était de recommencer sur la terre la vie des apôtres, qui pour lui consistait surtout dans la pauvreté, la prédication errante et le port des sandales. Il recruta quelques disciples qui, pour obéir aux recommandations que Jésus-Christ adressait aux apôtres, allèrent deux par deux exercer leur ministère. L'archevêque de Lyon, ayant interdit à Valdez de prêcher, celui-ci en appela au pape Alexandre III qui lui conseilla la soumission, 1179, puis au pape Lucius III qui l'excommunia au concile de Vérone, 1184. Valdez se jeta alors dans les bras des prétrobrusiens, s'enfuit de France, erra quelque temps à travers l'Italie et alla mourir en Bohême, 1197. À cette époque, les Vaudois, définitivement constitués en secte hérétique, à l'exception de quelques-uns qui ne quittèrent pas l'Église, Vaudois de Metz, comptaient déjà de nombreux partisans dans le midi de la France, la Haute-Italie et l'Aragon, d'où le roi Alphonse II les fit chasser, en 1194, comme ennemis de la croix de Jésus-Christ et profanateurs de la religion. Cette accusation était pleinement justifiée par leur doctrine. Les Vaudois en étaient arrivés à rejeter tout ministère ecclésiastique sauf la prédication, et tout sacrement sauf l'Eucharistie, à prétendre que tout chrétien était prêtre, et à condamner les prières pour les défunts, les indulgences, le service militaire, la propriété et l'obligation au travail. La secte comprenait deux catégories de personnes, les croyants, qui continuaient à vivre dans le monde, et les parfaits, qui faisaient vœu de chasteté et d'obéissance à des supérieurs et qui étaient chargés de la prédication. La division du reste ne tarda pas à se mettre parmi ces hérétiques. Les Vaudois de Lombardie se séparèrent les premiers de la communauté primitive. La réunion de Bergame, convoquée en 1218 pour ramener l'unité, échoua, et la scission fut consommée. Tandis que les Vaudois de France cherchaient à demeurer dans l'Église, malgré leur doctrine particulière, ceux d'Italie rompirent complètement avec elle et organisèrent un culte entièrement séparé. Les premiers ne sortirent guère des vallées du Piémont. Les autres se répandirent en Allemagne, en Bohême, en Pologne et firent alliance au XVIe siècle avec les protestants. Il en reste encore aujourd'hui environ 20 000 cantonnés dans les vallées du Dauphiné et des Alpes piémontaises. Secte panthéiste. Tandis que Pierre Valdez propageait dans le midi de la France et le nord de l'Italie les principes montanistes, un professeur de logique, puis de théologie de l'Université de Paris, Amaury de Ben, égaré par la lecture de Scott Herrigen et des philosophes arabes, répandait autour de lui une doctrine presque entièrement panthéiste. Il enseignait que tout chrétien était un membre du Christ, que les trois personnes de la Sainte Trinité s'étaient incarnées, le Père en Abraham, le Fils en Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans chaque chrétien, qui se trouvait ainsi être à la fois le Christ et le Saint-Esprit. Il concluait de là à l'inutilité des sacrements. La sanctification consistant simplement dans le sentiment de la présence de Dieu, et ne pouvant se perdre même par la fornication. Condamné par Innocent III à une rétractation publique devant l'Université de Paris, Amaury de Baynes mourut, dit-on, de douleur vers 1207. Après sa mort, on découvrit qu'il avait un certain nombre de partisans, notamment un orfèvre de Paris nommé Guillaume, et David de Dinan, professeur comme lui, qui continua à propager son immorale doctrine. Mais cette doctrine fut censurée à nouveau par le Concile de Paris, 1209, et par le quatrième Concile de Latran, 1215, et plusieurs des sectaires furent condamnés à mort. Aux Amauriciens se rattachent, selon toute vraisemblance, les frères et sœurs du libre-esprit, qu'on appelait aussi Bégard, Svechtrion et Turlupin, et qui apparaissent au milieu du XIIIe siècle dans différentes villes de Souabe, de Suisse et d'Italie. Panthéistes, comme les disciples d'Amaury de Baynes, ils s'appliquaient à eux-mêmes les paroles du Christ. « Moi et mon Père, nous sommes un ». Ils prétendaient qu'une fois arrivé à cette conviction, l'homme n'appartenait plus au monde des sens, ne pouvait plus recevoir aucune souillure des excès de la chair et n'avait plus besoin de sacrements. La théorie n'était pas nouvelle, ce qui fut nouveau, ce fut la hardiesse avec laquelle les pères du libre-esprit l'appliquèrent en fait. Leurs pratiques immorales amenèrent contre eux des mesures de rigueur. Secte manichéenne, les cathares ou albigeois. Mais de toutes ces sectes, la plus redoutable était sans contredit celle des cathares, cataroi, purs ou albigeois, dont les doctrines manichéennes et les prédications révolutionnaires mettaient en péril l'existence de l'État comme celle de l'Église. L'origine des cathares est controversée. D'après l'opinion ancienne, ils remonteraient par une filiation directe aux anciennes sectes gnostiques et manichéennes qui auraient toujours gardé des adeptes secrets dans le midi de la France et l'Italie. D'après une opinion nouvelle, ils se rattacheraient plutôt aux Pauliciens et aux Bogomiles, dont les doctrines auraient été apportées en Occident par une immigration de Bulgares. Cela expliquerait le nom de Bulgarie, Bulgrie, Boulgre, qui leur fut donné et qui finit par s'étendre à toutes sortes d'hérétiques. On doit du reste se représenter les cathares, non comme une secte unique, mais comme un vaste ensemble, plus ou moins incohérent, de sectes analogues ayant, avec des différences réelles, certains traits communs et notamment la croyance manichéenne aux deux principes du bien et du mal. Pour certains cathares, ces deux principes étaient coéternels et constituaient des dieux différents, l'un bon, l'autre mauvais. C'était à peu près la doctrine paulicienne. Pour d'autres, qui se rapprochaient des Bogomiles, le bon principe était le véritable Dieu, celui qui avait créé le monde invisible des esprits et dont provenait le Nouveau Testament. Le mauvais principe, ou Jéhovah, n'était qu'un esprit déchu, créateur du monde visible et auteur de l'Ancien Testament. Son fils, Lucifer, avait séduit une partie des anges du ciel et les avait emprisonnés dans les corps. C'est pour la délivrance de ces anges captifs, qui formaient une classe particulière et choisie parmi les hommes, qu'un autre ange, le Christ, était descendu du ciel, mais sans prendre la nature humaine ni un corps véritable. De ces dogmes découlait une morale nettement manichéenne, qui se résumait, autant qu'on peut le savoir, en l'absence d'écrits émanant des hérétiques eux-mêmes dans les trois points suivants. Premièrement, distinction des hommes en deux classes, dont l'une participe seule à la rédemption et peut seule arriver au salut, dont l'autre, en vertu de son origine mauvaise, est incapable de sanctification, ce qui supprimait toute responsabilité morale. Deuxièmement, rejet de toute autorité, soit ecclésiastique, soit temporelle, ce qui supprimait les bases de la société. Troisièmement, enfin, condamnation de tout ce qui touche par un côté quelconque à la matière, œuvre du mauvais principe. Par exemple, l'usage d'aliments de provenance animale, le mariage, la propriété, la vénération des croix et des images, la construction des églises et les sacrements. En fait de sacrements, les cathares n'en admettaient qu'un, une sorte de baptême spirituel appelé consolamentum qui remettait les péchés sans condition de repentir et qu'ils administraient en imposant les mains et le livre des évangiles à l'élu, lequel passait par là dans la catégorie des parfaits. Les cathares admettaient en effet, comme les vaudois, la distinction des initiés en croyants et en parfaits. Ces derniers seuls étaient obligés, par la réception du consolamentum, à pratiquer l'entier renoncement et à mener une vie austère et exempte de péché. Mais comme il était difficile d'obtenir la persévérance des consolés, les chefs de la secte prirent le parti de ne plus conférer le consolamentum qu'au lit de mort. Et encore, pour plus de sûreté, ils déterminaient souvent les malades qui menaçaient de guérir à se laisser mourir peu à peu d'inanition. Ce supplice volontaire s'appelait l'Andura. Telles étaient les idées des purs. On conçoit qu'avec le rejet de toute autorité et la condamnation du mariage et de la propriété, elles aient paru aux contemporains devoir amener non seulement la destruction du christianisme en Occident, mais aussi la ruine de la société. Ce n'était pas seulement une hérésie religieuse, c'était encore une hérésie sociale. Cela peut expliquer en partie la rigueur avec laquelle elle fut réprimée. Pendant le XIe et le XIIe siècle, le mal apparaît déjà çà et là. On découvre des manichéens ou des cathares à Agen en 1010, à Orléans en 1022, en Lombardie vers 1030. Ils gagnent de là l'Allemagne. Il y en a autour de Trèves en 1126, à Cologne en 1146. Mais c'est surtout dans le Languedoc qu'ils se répandent et parmi les populations vives et impressionnables du Midi qu'ils font le plus de prosélytes. Ils se rencontrent là avec les Vaudois, qu'on a parfois confondus avec eux, mais à tort, car il n'était pas rare de voir des prédicateurs vaudois disputer contre des ministres cathares. Ils n'avaient pas, sur tous les points, les mêmes doctrines et ne faisaient pas cause commune. Vers la fin du XIIe siècle, les cathares du Midi avaient comme principal boulevard Albi, d'où leur est venu ce nom d'Albigeois, sous lequel ils sont le plus connus, et comme protecteurs avoués ou secrets, une grande partie des seigneurs du Midi, les uns séduits par leurs théories, les autres craignant de mécontenter leurs sujets, quelques-uns trouvant là une occasion facile de piller les biens des monastères et des églises. Parmi eux, il convient de signaler surtout Raymond VI, comte de Toulouse, de la puissante maison de Saint-Gilles, qui possédait alors la plupart des grands fiefs du Midi, et Raymond Roger, vicomte de Béziers. La croisade albigeoise. Fort de cet appui et organisés en société secrète, les Albigeois en vinrent aux excès. Des évêques furent expulsés de leurs sièges, des abbés chassés de leurs monastères, des prêtres égorgés. Les progrès de l'hérésie devenaient inquiétants. Le pape Alexandre III et le troisième concile de Latran, 1179, prirent quelques mesures de rigueur. Mais le point de départ de la lutte définitive se trouve dans le célèbre décret que le pape Lucius III, de concert avec l'empereur d'Allemagne Frédéric Ier, porta au concile de Vérone, 1184, contre toutes les hérésies de l'époque. Ce décret ordonnait aux évêques d'envoyer des commissaires dans les localités où ils soupçonneraient la présence d'hérétiques pour y faire une enquête, inquisitio, et livrer les coupables aux bras séculiers. Ce décret n'ayant produit d'abord aucun résultat, Innocent III résolut d'agir avec plus d'énergie contre l'hérésie, tout en employant les voies pacifiques. Dès son avènement, 1198, il chargea deux moines de Citeaux, Guy et Régnier, d'entreprendre la conversion des hérétiques avec la qualité de légats apostoliques. Il leur adjoignit peu après Pierre de Castelnau, archidiacre de Maguelone, le cardinal Raoul et l'abbé de Citeaux, Arnaud Amaury, l'un des hommes les plus éloquents de son temps. En 1206, les légats apostoliques rencontrèrent Diego, évêque d'Osma, qui traversait le Languedoc avec saint Dominique. Ce dernier, saisi de pitié à la vue des progrès qu'avait fait l'hérésie, résolut de joindre ses efforts à ceux des légats et, pendant 10 ans, prêcha avec plus de persévérance que de succès, sans prendre d'ailleurs aucune part à la croisade qui sévissait. Cependant, l'œuvre de la conversion n'avançait pas, et Innocent III, constatant l'inefficacité des moyens pacifiques, songeait à recourir à la force. Une circonstance particulière vint l'y décider. En 1207, Pierre de Castelnau, ayant voulu obliger le comte de Toulouse à restituer aux églises ce qu'il leur avait pris, Raymond VI refusa et fut excommunié. Irrité, il manifesta imprudemment, comme Henri II vis-à-vis de Thomas Becket, le désir d'être vengé. Un de ses chevaliers courut aussitôt après le légat, l'atteignit à Saint-Gilles, près d'Arles, et le tua d'un coup de poignard, janvier 1208. Ce meurtre fut le signal de la croisade. Innocent III excommunia à son tour Raymond VI, délia ses sujets du serment de fidélité, mit ses domaines en interdit, et les exposa au premier occupant. Il supplia en même temps Philippe Auguste et les autres princes chrétiens de marcher contre les hérétiques qu'il déclarait pires que les Sarrasins. C'était donc bien une croisade qui commençait. Elle devait durer 20 ans, mais ne devait pas conserver longtemps son caractère primitif. On y peut, en somme, distinguer 3 phases. Au début, l'intérêt religieux domine. C'est aux hérétiques seulement qu'on fait la guerre. Un intérêt politique se greffe ensuite sur l'intérêt religieux et commence à compromettre les résultats obtenus. Après le concile de Latran, 1215, cet intérêt politique devient prépondérant et la croisade se transforme en une guerre dynastique qui profita en fin de compte à la France mais resta inutile à l'Église. Parcourons rapidement ces 3 phases de la lutte. L'appel d'Innocent III avait été entendu. Un grand nombre de chevaliers du nord de la France, le duc de Bourgogne, les comtes de Nevers, d'Auxerre, de Saint-Paul, du Forêt, de Genève, Simon, comte de Montfort, des seigneurs allemands, et fait digne de remarque, un certain nombre de seigneurs du Midi étaient accourus. Plusieurs évêques et abbés les accompagnaient. La direction supérieure de la croisade avait été confiée par le pape à son légat, l'abbé de Citeaux. Philippe Auguste, invité par Innocent III à prendre la direction des croisés, avait refusé. Jusqu'à la fin de sa vie, malgré des sollicitations répétées et venues de divers côtés, il persista dans sa politique d'abstention. Il laissa d'ailleurs toute liberté pour prêcher la croisade, dont le commandement suprême fut donné à Simon, comte de Montfort, l'un des plus habiles capitaines de son temps. Raymond VI, effrayé, s'adressa successivement au légat du pape, qui demanda des gages, à Philippe Auguste, son cousin Germain, qui refusa d'intervenir, et enfin à Innocent III. Ce dernier agréa sa justification, mais exigea les gages demandés par son légat. Raymond dut s'exécuter. Il subit comme pénitence une flagellation, nu, devant l'église de Saint-Gilles, en présence de 20 archevêques et évêques. Il remit les clés de ses châteaux, s'engagea à réparer les torts qu'il avait faits aux églises, et promit de châtier les hérétiques. Moyennant ces conditions, il fut absous et prit lui-même la croix, 18 juin 1209. Mais son vassal Raymond Roger, vicomte de Béziers et de Carcassonne, ne se montra pas aussi docile. Il répondit par les menaces aux menaces et se prépara à la résistance. C'est contre lui que Simon de Montfort dirigea ses efforts. En quelques mois, il lui enleva Béziers, où eut lieu un massacre épouvantable, Carcassonne, et un grand nombre de châteaux. La ruine de Raymond Roger étant ainsi consommée, les légats offrirent ses dépouilles au duc de Bourgogne et au comte de Nevers, qui les refusèrent, puis à Simon de Montfort, qui fut moins scrupuleux, et les accepta. Les légats avaient commis là une grande faute, car désormais l'intérêt religieux n'apparaissait plus comme le seul mobile de la croisade. Simon de Montfort semblait, aux yeux des populations du Midi, combattre dans son intérêt personnel. Il n'était plus seulement le champion de la foi, il avait par surcroît une conquête à maintenir. De là un double revirement. D'une part, les chevaliers français, leur temps de service achevé, abandonnent le comte de Montfort. D'autre part, les seigneurs du Midi se soulèvent contre lui. En 1210, des 200 châteaux dont il avait reçu l'hommage, Simon de Montfort n'en conservait plus que 8. La conquête de ses vicomtés était à refaire. Raymond VI, profitant de cette situation, ne tint aucun de ses engagements. Les légats l'excommunièrent de nouveau et jetèrent l'interdit sur le comté de Toulouse. Comme la première fois, Raymond recourut à Philippe Auguste, qui le repoussa, et au pape, qui le renvoya pour se justifier devant un concile assemblé à Saint-Gilles. Le comte de Toulouse s'y présenta et, sans parvenir à se disculper, obtint un délai. En 1211, il comparut de nouveau devant le concile d'Arles, qui se montra trop exigeant et le détermina ainsi à reprendre les armes. Il en résulta une nouvelle croisade qui, pendant 2 ans, couvrit le pays de sang et dont les faits saillants furent la prise de Lavaur par les croisés et leur échec devant Toulouse. En 1213, le roi d'Aragon, Pedre II, qui venait de s'illustrer par sa lutte contre les musulmans d'Espagne, intervint et proposa sa médiation. Innocent III, se rendant compte que l'intérêt politique commençait à absorber l'intérêt religieux, aurait voulu en finir avec la période des violences. Il accueillit les ouvertures de Dom Pedre, suspendit la prédication de la croisade, modéra le zèle de ses légats et convoqua un concile à Lavaur pour essayer encore une fois les moyens pacifiques. Mais Innocent III ne parvint à faire partager ses dispositions conciliantes ni par le clergé de France ni par les croisés. Raymond VI était considéré par eux comme l'unique soutien de l'hérésie et méprisé comme un traître. Aussi le concile de Lavaur maintint contre lui l'excommunication, 1213. Dom Pedre, blessé de l'insuccès de son intervention, amena une armée au secours du comte de Toulouse et assiégea Muret. Mais le 12 septembre 1213 eut lieu près de la ville une grande bataille où Dom Pedre fut tué et que l'habile tactique de Simon de Montfort transforma en une victoire décisive pour les croisés. Cette victoire entraîna la soumission de toute la contrée. Raymond VI, vaincu, abandonna Toulouse, accepta toutes les conditions qu'on voulut lui imposer et fut réconcilié à ce prix par le légat Pierre de Bénévent. Les comtes de Foix et de Comminges et la plupart de ses vassaux se mirent de même corps et biens à la discrétion des légats. La suzeraineté du Languedoc fut alors attribuée à Simon de Montfort par le concile provincial de Montpellier, 1215, tandis que peu après, le 4e concile œcuménique de Latran, l'un des plus considérables qui se soit jamais réuni, condamnait à nouveau l'hérésie albigeoise, obligeait les habitants du Languedoc à prêter un serment d'orthodoxie, chargeait les évêques d'instituer des commissions d'enquête pour poursuivre les récalcitrants, ordonnait aux princes séculiers de purger leurs terres des hérétiques et réglait définitivement le sort des domaines du comte de Toulouse. Simon de Montfort conservait le comté de Toulouse presque en entier, le duché de Narbonne et les vicomtés de Carcassonne et de Béziers. Les comtes de Foix, de Comminges et de Béarn étaient rétablis dans leurs biens. Le comtat vénétien était attribué à l'Église romaine. Enfin, le reste des domaines de Raymond VI, c'est-à-dire le marquisat de Provence et une partie du comté de Toulouse, était laissé à son fils Raymond VII, en faveur duquel il avait déclaré abdiquer. La guerre religieuse était ainsi terminée. La guerre dynastique allait commencer entre la maison de Saint-Gilles, qui n'acceptait pas sa dépossession, et la maison de Montfort, qui voulait garder ses conquêtes. Cette guerre, allumée dès 1216, entretenue habilement par Raymond VII, qui sut ne jamais donner prise à l'accusation d'hérésie, se poursuivit pendant 13 ans avec des alternatives de succès et de revers qui seront racontées ailleurs. Il suffira de dire ici qu'après la mort de Simon de Montfort, 1218, son fils Amaury, ayant cédé ses droits au roi de France, 1224, la régente Blanche de Castille amena le comte de Toulouse à signer en 1229 l'important traité de Meaux qui assurait au roi la possession immédiate du pays situé entre le Rhône et Narbonne et la possession du comté de Toulouse à la mort de Raymond VII. Ce dernier s'engagea en outre à renvoyer ses routiers, à indemniser les chevaliers français qui perdaient leurs fiefs, rendus pour la plupart à leurs anciens seigneurs, et à prêter l'appui du bras séculier contre les hérétiques. Moyennant ces diverses conditions, Raymond VII, qui avait été excommunié, fut réconcilié à Notre-Dame de Paris, et la guerre fut terminée pour le plus grand profit de la royauté française. Quant à l'Église, elle pouvait toujours craindre le retour de l'hérésie qu'elle avait voulu détruire. La guerre ayant été plus funeste qu'utile à la cause de l'orthodoxie, il lui fallut recourir à d'autres moyens. C'est alors qu'elle organisa définitivement l'Inquisition. L'Inquisition. L'origine de l'inquisition, ou du moins de la procédure inquisitoriale d'office, doit être recherchée dans ce décret de 1184, qui ordonnait aux évêques d'envoyer des commissaires dans les localités où elles soupçonneraient la présence d'hérétiques pour y faire une enquête. Ces commissaires furent les premiers inquisiteurs épiscopaux. Les légats apostoliques, envoyés dans le Languedoc par Innocent III, peuvent être regardés à leur tour comme les premiers inquisiteurs pontificaux. Mais l'institution ne fut pas organisée de suite. Le quatrième concile de Latran, en édictant comme pénalité contre les hérétiques la privation des droits civils, l'interdiction des charges publiques, la confiscation des biens et dans certains cas la prison perpétuelle, confiait encore le jugement de leur cause aux évêques ou à leurs délégués, 1215. Ce n'est qu'en 1229, après le traité de Meaux, que le concile de Toulouse détermina d'une façon plus précise le fonctionnement de l'inquisition épiscopale. Les évêques devaient choisir dans chaque paroisse un prêtre et deux laïcs honorables qui s'engageraient sous serment à rechercher et à dénoncer les hérétiques. Mais pour éviter la condamnation d'un innocent, aucune peine ne devait être prononcée avant que l'évêque ou son délégué eût pris connaissance de l'affaire. En 1233, Grégoire IX confia la recherche des hérétiques, Inquisitio Hereticae Pravitatis, aux dominicains, pour l'exercer au nom du pape et d'une façon permanente. L'inquisition reçut alors l'unité qui lui manquait, devint distincte de la justice ecclésiastique ordinaire et eut ses centres particuliers. Le plus important était établi à Carcassonne, d'autres à Toulouse et à Albi. Les inquisiteurs devaient du reste se déplacer en cas de besoin. Ce n'était pas toujours sans danger. Le massacre de quelques-uns d'entre eux à Avignon en 1244 est là pour le prouver. Les fonctions des inquisiteurs consistaient surtout à interroger les prévenus et à recueillir les dépositions des témoins, en un mot à faire l'enquête. C'est le sens propre du terme « inquisitio ». Pour rendre le jugement, il devait consulter une sorte de jury, composé d'ecclésiastiques et de légistes, et prendre l'avis de l'évêque. Mais sous ce dernier rapport, les décrétales n'étaient pas toujours obéis. Si certains évêques secondaient activement les inquisiteurs, certains autres étaient en conflit perpétuel avec eux, et le pape fut obligé plus d'une fois d'intervenir. La procédure inquisitoriale différait de la procédure canonique ordinaire sur divers points. Ainsi, on admettait des témoins qui auraient pu être reprochés, d'après le droit commun. On ne communiquait pas toujours leur nom à l'accusé, pour éviter, dit Guillaume de Puylaurens, les vengeances des familles. Le ministère des avocats était prohibé. Enfin, Innocent IV permit aux inquisiteurs d'employer la torture pour arracher des aveux, tout en leur recommandant d'user d'indulgence dans l'application des peines envers les hérétiques qui montreraient quelque repentir. Les peines qui pouvaient être prononcées consistaient principalement, outre l'abjuration publique, acte de foi, auto da fe, et les déchéances portées par les conciles et les ordonnances royales, dans des pénitences canoniques, des amendes et l'emmurement, c'est-à-dire l'emprisonnement temporaire ou perpétuel. Mais les clercs, convaincus d'hérésie, et les laïcs relapses étaient ordinairement livrés aux juges séculiers, qui leur infligeaient le supplice du feu et confisquaient leurs biens. Ces confiscations qui portaient le nom d'incours, incursus, étaient faites au profit des princes séculiers par les soins des baillis ou sénéchaux. Alphonse de Poitiers, devenu en 1249 comte de Toulouse, avait même institué un surintendant général des incours, chargé de les centraliser et de les administrer. Il s'appelait Jacques Dubois et montra un grand zèle dans l'accomplissement de sa mission. Les princes séculiers étaient donc intéressés à brûler le plus possible d'hérétiques pour augmenter le produit des confiscations. Et le dominicain Renaud de Chartres, inquisiteur à Toulouse, révèle dans une lettre adressée en 1255 à Alphonse de Poitiers le crime horrible de certains de ses officiers livrant au bûcher des hérétiques condamnés seulement à la prison perpétuelle. L'inquisition ne fut pas établie seulement dans le midi de la France. Elle le fut aussi dès le XIIIe siècle, en Italie et en Allemagne, où le rigide confesseur de Sainte-Élisabeth de Hongrie, Conrad de Marbourg, tué en 1233, la dirigea quelque temps. Fin de la section 24.